De nombreuses unités d'activité de divers domaines de l'économie nationale ont achevé avant terme le plan de production de janvier. Suivant les tâches de programme précisées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son historique message de Nouvel An, le personnel de la centrale hydroélectrique de la jeunesse de Wonsan a dépassé à 118,6% jusqu'au 20 janvier le plan de production mensuel. Les cadres et ouvriers de la direction de l'industrie de la confection de la ville de Pyongyang ont accompli le plan de production de janvier plus d'une semaine avant terme. Surtout, jusqu'au 23 janvier, la fabrique de vêtements de Pyongyang a dépassé à 165% le plan de janvier. D'autre part, le ministère de l'exploitation forestière a achevé à 105% le plan de production de bois du mois de janvier. La direction de l'exploitation forestière de la province du Pohang du Sud a accompli son plan mensuel jusqu'au 23 dernier. Les entreprises relevant des directions de l'exploitation forestière des provinces du Hamgyong du Sud, du Liangang, du Zagang et du Gangwon ont également terminé leur plan de production de bois de janvier.